Gaston Charles Richard. Une enquête d'Elsa, détective privé. Les secrets des Johanniters. Chapitre 1. En 1913, à la fin du mois de juillet, Elsa Van Leggels, par un beau soir, arrivait à Doorn, le joli bourg hollandais qui devait illustrer de si fâcheuse façon, quelques années plus tard, la présence de l'ex-kaiser d'Allemagne, Guillaume II. Cette année-là, elle avait connu une douloureuse crise morale dont elle était sortie victorieuse, mais complètement brisée. Elle s'en était venue à Doorn pour y trouver la paix, le repos, l'oubli. Là, elle était à courte distance de Maharn, où reposait feu son père, de La Haye, où elle avait fait ses études, d'Amsterdam, où sa pauvre jeunesse avait connu des heures si pénibles. Et, installée dans le seul hôtel à peu près confortable du pays, elle essayait d'y vivre d'une vie végétative, usant ses journées en longues promenades dans les bois. Mais, malgré tout, elle s'ennuyait et sentait plus encore qu'à Londres le poids de sa solitude. Ce fut au moment où elle pensait fort sérieusement à retourner en Angleterre pour y reprendre sa vie active et mouvementée que la Providence la mit en présence d'un vieil homme dont elle avait souvent entendu prononcer le nom dans son enfance. Elle le vit un soir passer sur la route. Il conduisait un léger panier dans lequel il était seul et maintenait avec peine, quoique d'une main ferme, un beau trotteur alezan à la robe noire et au mors blanc d'écume. Le rude visage de ce sexagénaire, haut et robuste comme un chêne, éveilla un souvenir confus dans l'esprit d'Elsa. « Qui est-ce » demanda-t-elle au lotelier. Et celui-ci, après avoir salué très bas le vieil homme qui passait, sévère et hautain, sans daigner le voir, répondit avec un respect nuancé d'une espèce de crainte « C'est le baron Florent Van Vrogen. » « Florent Van Vrogen ? N'a-t-il pas été le chambellan de la reine et secrétaire d'État pour les colonies ?» demanda aussitôt Elsa. « Oui, mais depuis 1906, il n'est plus rien et vit comme un vieux sanglier dans son château de Rongen, à 2 lieues d'ici, » répondit l'hôtelier. « Il est riche comme Crésus et pas commode à vivre, je vous l'assure. » « Le baron Florent Van Rongen. » Les souvenirs maintenant se levaient en foule dans la mémoire d'Elsa. Il était venu à Java en 1889. On l'y avait reçu comme un roi. Il avait été l'hôte de son père à 2 reprises, l'une à Batavia, l'autre à Maharn. Une envie folle l'a pris de revoir cet homme qui avait connu les siens, de causer longuement avec lui, de se passer si proche et si lointain tout ensemble. Le lendemain, elle alla sonner à la porte du baron Van Rongen, dont l'accueil fut plus aimable qu'elle n'eût osé l'espérer. « Soyez la bienvenue, mon enfant, » dit le vieux gentilhomme. « J'ai bien connu votre père, car nous étions ensemble étudiants à l'université. Et je me souviens de votre mère. Elle était, que Dieu ait son âme, femme de cœur et de courage, et faisait honneur à son mari. » Il fit les honneurs de sa demeure à Elsa, lui offrit le thé, et tout en savourant, pour sa part, une énorme tasse de cacao, lui demanda en souriant « Que faites-vous à Londres ?»« J'y dirige une petite agence de police privée. » dit franchement Elsa. « Quoi, vous, détective ?»« Oui, » répondit Elsa. « Inconcevable !» dit le baron en reposant sa tasse. « Inconcevable !»« Mais ce n'est pas un métier de femme, et moins encore d'une fille de la noblesse. Comment en êtes-vous arrivé là ?»« Détective, une Van Leggels !»« Pourquoi non ?» dit Elsa un peu amèrement. « Tout ce que j'ai acquis de savoir... Tout ce que les miens, jadis et naguère, ont conquis de gloire et d'honneur n'a pas fait que je puisse me créer une situation convenable dans mon pays. Sans fortune, sans espérance, j'ai dû m'expatrier et chercher ailleurs ce qu'on me refusait ici. Vous avez raison, fit le baron après un silence. Les rois sont oublieux et les peuples ingrats. On n'eût pas dû vous laisser tomber là. Elsa le sentait hérissée, froissée et crut qu'à ses yeux, elle avait perdu la face. Ce fut donc avec un immense étonnement qu'elle s'entendit dire par son hôte au moment de prendre congé. revenez me voir quand vous le voudrez, mon enfant. Je vous recevrai toujours avec plaisir. » Et il ajouta, comme pour lui-même, « Après tout, c'est peut-être Dieu qui vous envoie. » Chapitre 2. Trois jours plus tard, Elsa recevait une invitation à déjeuner. Et régulièrement, trois semaines durant, elle se rendit deux fois par semaine au château. Le baron lui avait donné d'anciennes photographies de groupes d'étudiants sur lesquels figurait son père. Il lui avait montré, un à un, tous les trésors d'art entassés dans sa demeure. Meubles merveilleux, portraits d'hommes et de femmes illustres, signés de noms célèbres, belles armes, tapisseries, jade de Chine, joyaux. Il faisait ouvrir pour elle les appartements de gala, l'admettait dans sa chambre où avait dormi Guillaume d'Orange. Elsa connaissait tout le château, sauf une pièce qui demeurait fermée, rigoureusement. « Qu'y a-t-il donc là ? » lui demanda-t-elle un jour, quand elle crut pouvoir se le permettre. « Ne serait-ce pas la salle où l'ogre Barbe Bleue a caché jadis ses femmes ?»« Ne plaisantez pas, » dit le baron. Et comme Elsa le regardait, il ajouta en s'inclinant, « C'est la salle du conseil suprême des Johanniters. » « Les Johanniters ?» fit Elsa. « Oui, aussi bien venez. Je dois vous dire ce que sont les Johanniters pour des raisons particulières. » Il tira une clé de sa poche, la mit dans la serrure, ouvrit la porte, s'effaça pour laisser passer Elsa. La salle dans laquelle ils entrèrent tous deux était vaste et haute, et son plafond caissonné de chaînes sculptées, peints et dorés, était à lui seul une œuvre de grand art. Les murs en étaient tendus de soie pourpre, unis. Le tapis cloué sur le plancher était pourpre, et pourpre aussi le satin qui recouvrait une table en fer à cheval, derrière laquelle s'alignaient 12 fauteuils dorés, placés 6 à droite et 6 à gauche d'un siège à dais, monumental, aux allures de trône. Sur les 3 autres côtés de la salle étaient alignés 39 autres sièges. Au fond, dans une niche en cul de four, décorée d'une croix noire, peinte sur le mur, s'élevait une statue de Saint Jean l'Évangéliste en marbre. Sur les murs, en trophées magnifiques, des drapeaux de soie brodés d'or et d'argent, dont la hampe était sommée d'une croix gammée en or et non d'un fer de lance, unissaient leurs frissons versicolores. Il y avait là tous les drapeaux des royaumes et principautés d'Allemagne entourant le drapeau de l'Empire, les drapeaux autrichiens, hongrois, bulgares, roumains, hollandais, italiens et même un drapeau turc et un drapeau espagnol. Sur la table, en fer à cheval, devant le tronc, était posé sous un voile blanc en mousseline de soie, un globe du monde, en or, sommé d'une croix gammée, un glaive nu, un sceptre et une main de justice. Un seul tableau pendait au mur qui faisait face aux fenêtres. Il représentait en pied l'empereur Guillaume II, vêtu d'un costume Louis XIII de satin noir sous un manteau de satin pourpre et tenant à la main un bâton de commandement pourpre semé de croix gammées. Un détail mit Elsa en guetté. Avec ce costume à l'allure sévère, inspiré de la tenue des puritains du XVIIe siècle, Sa Majesté l'Empereur et Roi portait, au lieu de la fraise à gaudron, un faux col à coin cassé. Cependant, le baron Van Rongen élevait la voix et disait « Vous êtes dans la salle du Conseil suprême des Johanniters. » « Mais que sont les Johanniters ?» dit Elsa. « Ce sont les précurseurs de ce qui sera, de l'hégémonie dans le monde des peuples de sang germanique. » Et nous allons bientôt commencer la croisade sainte sous l'emblème de la croix gammée et sous l'autorité de ce chef vénéré qu'est Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, grand maître de l'ordre. Elsa écoutait, étonnée et muette, car le vieil homme parlait avec une foi profonde. Tout cela n'a rien de secret, reprit Van Rongen. Le conseil n'a pas mis son drapeau dans sa poche. Le prince Henri de Prusse a prévenu Édouard VII et son fils Georges V et de son existence et de son action future. Nous sommes des milliers, inconnus mais agissants. Au jour de l'action, nous serons des millions. Cependant, un grave danger nous menace par la faute d'un gredin de Prussien nommé Otto von Neumann, qui fut mon secrétaire et qui s'est enfui, il y a un mois, en portant des papiers fort importants, dont la divulgation risquerait d'avoir les plus sérieuses conséquences en mettant trop tôt sur leur garde les nations intéressées. Or, ce gredin d'Otto sait que j'ai le plus grand intérêt à rentrer en possession de ces documents. Il sait aussi que leur divulgation entraînerait probablement sa perte. Mais elle entraînerait la mienne aussi. Car, coupable de négligence, par trop grande confiance, je n'aurais plus qu'à me brûler la cervelle. Otto m'offre de me rendre ses papiers, moyennant 1 500 000 florins. Mais il se refuse absolument à entrer en pourparlers direct avec moi, car il sait bien qu'avant toute explication, je commencerai par le rosser à mort. « Et vous désirez que j'entre en relation avec lui ?» dit Elsa. « Soit, j'y consens. »« J'irai jusqu'à 500 000 florins, » dit le baron. « On ne lui en donnera pas autant, ni en France, ni en Angleterre. Faites-le lui comprendre. Maintenant, prêtez-moi bien l'oreille, je vais vous dire ce que la canaille m'a volé. » Chapitre 3. Une semaine plus tard, à 2 heures de l'après-midi, Elsa Van Legel se promenait seule sur la grande place de Bruxelles, devant le Broadwies. Elle portait un léger tailleur de serge bleu, une chemisette blanche, un chapeau blanc, était chaussée de bas et de souliers blancs, gantée de blanc. Elle tenait à la main un Kodak dans un sac de cuir orangé. Enfin, à sa ceinture de daim blanc, saignait, magnifiquement, un bouquet de d'œillets rouges d'un ton éclatant. Le bleu, le blanc, le rouge sont les couleurs hollandaises, l'orangé est celle de la maison royale des Pays-Bas. Elsa n'avait arboré ces couleurs que pour se faire reconnaître de l'homme qu'elle attendait là. Elle allait et venait, regardant avec admiration le magnifique décor de la grande place, la maison du roi, la maison des corporations, la maison des ducs de Bourgogne. En ce beau jour d'été, 100 marchandes de fruits, de légumes et de fleurs étaient là, sous leurs immenses parasols de couleurs, éclatantes comme d'invraisemblables champignons, bleus, jaunes, verts, rouges, rayés, tigrés de tous les tons. « N'êtes-vous pas Miss Van Legels ?» murmura soudainement une voix contenue à l'oreille de la jeune femme. « Oui, je suis Elsa Van Legels, » répondit-elle, tout en mettant son appareil au point pour prendre un cliché de la grande place. « Je suis Otto, prête à vous suivre et à vous entendre. » La jeune femme, son cliché effectué, fit demi-tour et considéra celui vers qui on l'avait envoyé. C'était un grand et maigre garçon d'une 30aine d'années, au crâne rasé, à la moustache taillée court, à l'américaine, aux yeux pâles, clignotant derrière des lunettes. « Docteur Otto von Neumann, de l'université de Bonn, » dit-il en s'inclinant, « et tout disposé à vous être agréable, Miss Van Legels, si la chose est possible. »« Où pourrions-nous causer tranquillement, docteur ?» dit Elsa. « Il fait bien chaud sur cette place. » »« Il y a près d'ici un glacier où, à cette heure de la journée, il ne se trouve certainement pas un client. » « Si vous daignez m'y accompagner... »« Je daigne, » dit gaiement la jeune femme. « Conduisez-m'y, docteur. Je meurs de soif et j'ai chaud, chaud, chaud. » Sans façon, elle prit le bras du Prussien tout surpris et dit avec son plus beau sourire « Je vous suis, cher docteur. » Une heure plus tard, elle avait si bien ensorcelé son guide qu'il finissait par lui dire « « Écoutez, je veux bien vous rendre les papiers, mais à 3 conditions. »« J'écoute, » dit Elsa, les yeux brillants. Primo, le baron paiera 600 000 florins. Secondo, vous me remettrez la somme en or. Tertio, pendant le temps nécessaire à toutes ces transactions, vous logerez dans mon hôtel. »« Vous vous méfiez de moi, » dit Elsa, « et vous avez bien tort. Mais j'accepte. » Allons faire, pour commencer, un tour au bois de la Cambre. Puis nous dînerons ensemble. Et si vous êtes aimable et sage, je vous permettrai, ce soir, de m'emmener au concert et de m'offrir à souper. J'ai envie de m'amuser un peu. Ya ! Dit Otto von Neumann avec un large rire. Chapitre 4. Ce fut une soirée pendant laquelle chacun des deux adversaires s'efforça de rouler l'autre. Le dîner, arrosé de madère, de meursault et de pommard, fut copieux. Elsa, bonne buveuse, avait la tête solide, mais le Prussien possédait à coup sûr une outre à la place de l'estomac. Du bon restaurant de la montagne de la cour où ils avaient dîné, ils se rendirent dans un théâtre d'opérette, puis dans un cabaret de nuit, où la blague montmartoise s'unissait à la zoanzé belge, et là, tous deux se livrèrent bataille à coups de liqueur glacée et de champagne. À 1h30 du matin environ, on les mit dehors. Elsa s'assit sur le trottoir et déclara que, puisque les maisons marchaient toutes seules, elle attendrait que la sienne passât devant elle pour réintégrer son logis. Le Prussien, en riant, la hissa dans une voiture et donna l'adresse de son hôtel au cocher. Mais Elsa cria qu'elle avait faim, qu'elle ne voulait pas rentrer si tôt, qu'il fallait souper, et le cocher, en riant, les conduisit dans un dancing qui ne fermait qu'à l'aube. Ce fut là qu'à 4h du matin, l'homme s'effondra, assommé par l'alcool, la fumée de tabac, le vin, les victuailles, en proie à une ivresse de brute. Elsa, bien qu'étourdie, avait réussi à ne plus boire depuis longtemps et était parfaitement lucide. On colla l'homme dans une auto, Elsa monta près de lui après avoir réglé les dépenses, le ramena à son hôtel, le fit monter dans sa chambre, s'en fit donner une et demanda un bain. Pendant que le garçon de nuit le préparait, la jeune femme fouillait consciencieusement son compagnon et visitait tous les meubles. Elle ne trouva rien, naturellement, rien qu'un carnet, un portefeuille et un trousseau de clés. Mais dans le portefeuille, elle découvrit un reçu émanant d'une banque belge, dans les coffres de laquelle Otto von Neumann avait déposé, avec des papiers volés, 100 000 florins dérobés dans la caisse des Johanniters. Le carnet contenait le numéro et la combinaison du coffre loué par le voleur. Et parmi les clés du trousseau se trouvait celle du coffre. Pendant qu'Otto ronflait, la jeune femme, son bain pris et payé, courait à son hôtel, changeait de vêtements, prenait ses pièces d'identité et, dès l'ouverture de la banque, se présentait hardiment au service des coffres-forts. Là, avec tranquillité, elle descendait au sous-sol et présentait sa clé au gardien de service en lui disant « Je suis mademoiselle Elsa von Neumann, la sœur de monsieur Otto von Neumann qui a loué ce coffre. Mon frère m'a chargé de lui envoyer certains papiers. Voici son reçu, sa clé, les lettres de la combinaison. Voulez-vous m'ouvrir le coffre ?»« Mais oui, mademoiselle, » fit le gardien un peu hésitant. « Vous avez une autorisation, naturellement. Vous l'avez montrée là-haut. »« Mais naturellement !» répliqua Elsa avec le plus beau flegme. L'agent de service ouvrit le grand coffre. Elsa se mit en devoir d'ouvrir la case désignée par le numéro de la clé. En vain. Elle sentit le sang lui affluer à la tête et, de nouveau, consulta le carnet. Il présentait, sur une feuille, la combinaison suivante. T, T, en dessous, O, G. Elle l'avait lu ainsi, T-O-T-G. Et tout de suite, son erreur lui sauta aux yeux quand l'employé, d'une voix un peu soupçonneuse, lui demanda « Vous ne pouvez donc pas l'ouvrir, mademoiselle ?»« Et comment le pourrais-je » répliqua-t-elle en riant. « J'ai mis ma combinaison personnelle pour l'ouverture au lieu de celle que m'a indiqué mon frère. » Elle lut cette fois « G-O-T-T » replaça les disques en tournant les boutons, tourna la clé et le coffre s'ouvrit. Elle aperçut alors une grosse serviette de cuir marron, façon crocodile, à fermoir doré, portant les initiales O, V, N, imprimées au fer chaud, et un paquet roulé dans un journal et noué d'une ficelle rouge. Délibérément, elle saisit la serviette de cuir par la poignée de la main gauche, plaça le paquet sous son bras, ferma le coffre, brouilla la combinaison, mit les clés dans son sac et se retourna. Alors, son cœur s'arrêta de battre un instant. Otto von Neumann était derrière elle et la regardait faire, un mauvais sourire aux lèvres. « Très bien, » dit-il à voix basse et rauque, avec une fureur sourde. « Il est dommage pour vous que je me sois réveillé à temps. Vous avez été stupide de me soulager de mon carnet, de mon portefeuille et de toutes mes clés. C'est ce qui m'a donné l'éveil. Vous allez remettre tout cela en place et me suivre, n'est-ce pas ? Sinon, je vous fais arrêter, il y a flagrant délit. » Elsa s'était déjà ressaisie. « Soit, » dit-elle, « faites-moi arrêter. » « Mais je vous préviens que c'est vous qui coucherez ce soir en prison, et non pas moi. J'ai là dans mon sac les lettres de chantage que vous avez adressées au baron Van Rongen. J'ai en outre une plainte formelle du baron vous concernant et adressée au procureur du roi. Allons, appelez un agent de ville, des gardes, ce que vous voudrez. J'attends. » L'homme, avec une infâme injure, eut un geste comme pour saisir une arme dans sa poche. Mais au même instant, deux poignes rudes et solides le saisissaient au collet et au bras. « Hé là !» grondait une bonne voix à l'accent wallon. « Pas de bêtises, mon garçon. Si vous avez des histoires de famille à débrouiller, allez faire ça dehors, savez-vous » « Monsieur a raison. Filez devant, Otto !» ordonna Elsa. « Nous nous expliquerons à la maison. »« J'avais raison de vous guetter tous les deux, » fit le gardien. « Allez, hors d'ici. Si vous avez des réclamations à faire, vous les ferez à l'administration. » Les quelques personnes qui étaient présentes ne comprenaient goutte à ce qui se passait. Otto von Neumann, la tête basse et toujours maintenu par le gardien, se laissa enlever son Browning par Elsa sans souffler mot. Puis, avec un long soupir, il remonta l'escalier qui conduisait vers la sortie et disparut. Elsa, alors, sous les yeux stupéfaits du gardien, remit la serviette de cuir et le paquet dans le coffre-fort, dont elle conserva la clé. Puis elle tendit sa carte au gardien en lui disant « Je dois voir maintenant le directeur de la banque. Allez lui porter ma carte ou faites-la lui porter. J'attends. » Une heure plus tard, Elsa, ayant fait connaître sa qualité au haut fonctionnaire et dévoilé le pourquoi de ses agissements, entrait en possession du dépôt effectué par Otto von Neumann et, sans plus tarder, reprenait le jour même la route de la Hollande où elle parvenait saine et sauve et où, le lendemain, elle restituait ses papiers au baron Van Rongen. Un mois plus tard, rentrée en Angleterre, elle recevait chez elle un petit paquet expédié par le vieux gentilhomme. Cet envoi contenait une très jolie montre en platine ornée de petits brillants montée sur un bracelet. Un mot du baron Van Rongen accompagnait la lettre et se terminait ainsi. « Je dois vous dire qu'Otto V.N., ayant eu la sottise de rentrer en Allemagne, a été arrêté sous l'inculpation de trahison et envoyé en Silésie. J'espère que cette noire canaille y laissera ses os. » Fin de « Les secrets des Johanniters ».